Donc, on va passer à l'intervention de Alexis qui vient nous parler du rapport entre démocratie et travail. Voilà, qui est là. Bah, super. Donc, Bonjour à toutes et tous. Donc j'ai proposé ce thème de réflexion et de discussion travail et démocratie, d'une part parce que je suis en train d'écrire un bouquin sur la question, mais surtout parce qu'il me semble qu'elle est au cœur des problèmes auxquels Nuit Debout et le mouvement social en cours, eh bien, nous cherchons à nous confronter. Hein, on a commencé à se réunir, à manifester, à lutter pour résister à une attaque violente contre les acquis des luttes passées pour un travail moins aliénant. Et ce que nous sommes en train de chercher, eh bien, c'est une méthode de lutte démocratique en vue de ce que Marx, dont je vais vous parler un petit peu, appelait la vraie démocratie. Donc ce rapport, hein, à la fois dans les questions de convergence des luttes entre salariés, étudiants, chômeurs, dans les questions de réappropriation des sciences, notamment économiques, et puis dans la question de la réinvention des formes de l'action politique, moi je pense que cette question du rapport entre travail et démocratie est tout à fait centrale. C'est pour ça que je voulais vous en parler. Alors je vais partir d'une thèse assez simple et puis ensuite je vous présenterai quelques éléments pour lancer la discussion. Les auteurs, hein, Marx, Dewey et Karl Korsch, qui partent tous du même constat. Il n'y aura jamais de démocratie réelle, jamais de démocratie comme forme de vie, comme le dit Dewey, sans une démocratie dans et à partir du travail. Autrement dit, le capitalisme est absolument inconciliable avec la démocratie. Ces trois auteurs pensent ça. Bon, et moi, je vais partir de cette thèse pour essayer de voir, eh bien, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme forme de démocratie au travail, centrée sur, enfin, de démocratie en général, centrée sur une démocratie au et à partir du travail. Mais je veux insister là-dessus. Cela signifie, hein, que lutter pour la démocratie, ça veut dire être antipatriarcaux, antiracistes, mais aussi sans hésitation, anticapitalistes. Qu'est-ce que ça veut dire un peu plus précisément? Alors, je ne vais pas vous parler, j'ai choisi de ne pas vous parler, hein, de ce dont je pars dans le bouquin, qui est l'analyse de l'organisation actuelle du travail, managériale, bureaucratique, financière, comme un projet fondamentalement antidémocratique. Je voulais le dire, hein, on peut voir les évolutions du monde du travail depuis 30 ans à partir d'un projet néolibéral qui consiste à ruiner toutes les formes de démocratie possibles, délibération, décision, action collective au travail. Mais je vais plutôt vous présenter deux modèles, et on pourrait en parler parce qu'il me semble assez actuel, deux modèles de rapport entre travail et démocratie, celui de la lutte des classes chez Marx et celui de l'expansion de la coopération chez Dewey et chez Korsch. Donc il y a deux modèles un peu différents. Dans le premier, il n'est pas possible de commencer par s'auto-organiser de manière démocratique parce que les institutions de l'État nous empêchent de le faire. Et donc, il faut déverrouiller dans les institutions certaines choses, notamment la propriété des moyens de production, pour ensuite, dans un deuxième temps, s'organiser démocratiquement au travail. Ça, c'est Marx. Dewey, lui, il pense qu'il faut partir d'abord d'une auto-organisation dans l'entreprise et dans les quartiers pour ensuite, par une expansion, eh bien, construire la démocratie dans l'ensemble de la société. Okay, donc je vais vous parler de ces deux modèles pour introduire un peu la discussion. Le premier modèle, c'est le modèle de la lutte des classes. L'idée, c'est que pour construire ce que Marx appelle une autodétermination du peuple, comme il l'écrit à propos de la Commune de Paris, on ne peut pas se contenter de s'organiser démocratiquement dans son entreprise, son quartier ou sa ZAD immédiatement. C'est nécessaire, c'est important, mais cela ne suffit pas, parce que la propriété capitaliste rend impossible une expansion de ces expériences démocratiques. Le problème de Marx, c'est comment on va faire une expansion de ça, et si vous ne touchez pas au verrou institutionnel, ce ne sera pas possible. Donc, pour s'organiser démocratiquement au travail et dans sa vie, il faut d'abord affaiblir, progressivement s'affranchir des institutions du capitalisme, hein, propriété des moyens de production et délégation du pouvoir politique, au moyen de la lutte des classes. Alors, je vais juste faire deux, trois points. Qu'est-ce que c'est que cette lutte des classes comme projet démocratique? Alors d'abord, contrairement à ce qu'on dit souvent ou ce qu'on pense, Marx s'oppose aux socialistes de son temps. Alors, les socialistes de son temps, ce n'est pas exactement les gens qui se disent socialistes aujourd'hui, pour lesquels le travail devait devenir le principe d'organisation d'une société plus juste. Et par exemple, il écrit dans Misère de la philosophie, l'organisation socialiste de l'ensemble du travail ne peut que découler du processus révolutionnaire de transformation de la société. Il faut d'abord un processus révolutionnaire pour ensuite changer le travail. Dans la critique du programme de Gotha, il écrit aussi la même idée, qu'il ne faut pas croire que l'on pourrait construire avec l'appui de l'État une nouvelle société comme on construit un nouveau chemin de fer. Ça consisterait à quoi ? Eh bien, à négliger précisément la lutte des classes contre la forme actuelle de l'État et contre tous les rapports sociaux qui empêchent la démocratie. Alors, je vais prendre deux exemples un peu historiques de ce que Marx entend par lutte des classes. Dans un texte de 1864, l'adresse inaugurale du congrès de l'Association internationale des travailleurs, il nous dit qu'il y a eu deux grandes victoires depuis 1848, qu'on est en 1975. Ces deux grandes victoires, c'est d'abord la loi sur la restriction du temps de travail, quelque chose qui est au cœur des discussions aujourd'hui, et aussi le développement des coopératives ouvrières, donc d'une auto-organisation immédiate, démocratique au travail. Mais il dit aussi, lui il dit ça, là je pars vraiment de ce que disent Marx, dit Wikorch, après on peut discuter au-delà, mais ce que je vais essayer de faire à la fin. Donc il dit, ces coopératives prouvent la possibilité de l'autonomie des travailleurs, pas besoin de l'existence de la classe des maîtres, employant celle des manœuvres. Mais il dit aussi, ces expériences sont nécessairement limitées. Je le cite, elles reproduisent dans leur organisation effective tous les défauts du système existant. Elles restent enfermées dans le cercle étroit des efforts partiels des ouvriers éparpillés. Elle n'est pas capable d'émanciper les masses. Ok, donc vous avez compris, modèle de la lutte des classes chez Marx. On vise la démocratie, le travail c'est important, mais il faut commencer par intervenir dans l'État et par... Je vais dire ce terme qui peut paraître un peu provocateur, mais c'est lié aussi au débat sur la violence, par détruire les institutions de l'État qui empêchent la démocratie. Okay, c'est ça la lutte des classes pour Marx. C'est ce qu'il dit aussi, et je vais finir là-dessus avec Marx, à propos de la Commune de Paris, en disant, je le cite encore, « Son véritable secret, le voici. C'était essentiellement un gouvernement de la classe ouvrière, le résultat de la lutte de classe des producteurs contre la classe des appropriateurs, la forme politique enfin trouvée qui permet de réaliser l'émancipation du travail. » Pour Marx, qu'est-ce qui est exceptionnel dans la Commune de Paris ? Eh bien, c'est précisément que les ouvriers, les communards, ont trouvé une forme qui était capable d'expansion. Pas seulement une organisation dans leur coin, mais quelque chose qui s'étend dans l'ensemble de la ville. Et donc il dit, la grande mesure sociale de la commune, ce fut sa propre existence et ses actions, expulsion du pouvoir de Versailles, autogouvernement sans la médiation de l'État, et donc possibilité d'un travail libre et démocratique. Ok. Alors deuxième modèle maintenant. L'expansion de la coopération chez Dewey, c'est quelque chose qui résonne avec... toutes les tentatives d'auto-organisation aujourd'hui. On commence par s'auto-organiser, on commence par avoir des espaces dans la société indépendants de ceux de l'État, par exemple au travail, et on va essayer d'étendre ça petit à petit, mais sans toucher d'abord aux institutions de l'État. Alors, je vais en parler un peu parce que Dewey, c'est un peu moins connu que Marx. Pour Dewey, c'est quoi la démocratie ? Il a une définition intéressante. Nous dit la démo, enfin, disons une thèse intéressante. Je le cite. La démocratie ne peut être dans la réalité ce qu'elle est que si elle est une démocratie industrielle aussi bien que civile et politique. Voilà l'idée de Dewey. Il y a eu au 18e, 19e siècle, première tentative révolutionnaire au niveau politique. Mais maintenant, il faut réaliser ça, au niveau économique. D'accord ? Il y a un principe d'organisation démocratique qui est visé, qui est pensé au niveau politique, mais dans le capitalisme actuel, personne pour l'instant ne revendique, on est aussi dans les États-Unis des années 20-30, personne ne revendique ce principe démocratique d'égalité dans la décision au niveau de l'entreprise. C'est pourquoi ce que Dewey défend dans un texte qui s'appelle Liberalism and Social Action, c'est, je le cite, une planification sociale organisée mise en œuvre dans le but de créer un ordre où l'industrie et la finance seront socialement orientées en faveur de la libération culturelle et du développement de l'individu. L'idée de Dewey, c'est qu'il faut que petit à petit, les travailleurs se préoccupent dans leur travail même de la planification de la société, et donc petit à petit, eh bien, se réapproprient l'État à partir de leur travail. Okay. Alors, dans ce projet, on pourrait dire d'extension de la démocratie à partir du travail, ce n'est pas, hein, mais le travail qui doit permettre de participer au contrôle social de la société et par aussi changer la constitution. Il a des passages où il dit, si vous pensez que vous pourrez changer la constitution, ça, c'est en rapport avec certaines commissions, certaines discussions ici, si vous pensez que vous pouvez changer la constitution à partir d'une démarche politique sans commencer par votre travail, sans toucher à l'économie, vous n'y arriverez jamais. Alors, je vous parle de deux ou trois autres textes et puis je conclue pour ouvrir la discussion. Dans un texte qui s'appelle Psychology and Work, il est parti la Russie de l'après 1917, hein, on est encore assez tôt, il est parti en 1919 et il nous dit, je vois qu'il y a plein de problèmes, mais il y a quelque chose d'intéressant. Donc, c'est marrant, c'est un Américain considéré comme libéral qui va là-bas et il dit, mais c'est formidable parce que les travailleurs participent à la planification. On leur demande leur avis concernant le destin industriel de la Russie pour les années à venir. Et Dewey nous dit, ce que j'ai vu, c'est qu'ils étaient très heureux, il y a quelque chose d'émancipateur là-dedans. Autre texte rigolo aussi parce que il va en Chine, hein, en 1922, il y a notamment quelqu'un de sinistre mémoire qui suit ses cours, c'est Mao. Donc Mao, il se dit Deweyien au début, il est là. Et Dewey, eh bien, dit la chose suivante, il faut former des associations volontaires d'individus qui gouvernent non seulement leurs propres activités économiques, mais aussi l'ensemble de la société. Donc il dit aux Chinois, voilà, si vous voulez faire la révolution, il faut partir des corporations, il faut partir de ce qu'en Russie on appelle les conseils ouvriers, pour ensuite eh bien, commencer à gouverner non seulement vos propres travails, mais l'ensemble de la société. C'est ce qu'il appelle, hein, chez Marx, la démocratie, donc c'est le communisme. Ici, il appelle ça un socialisme public. Et il nous dit, le socialisme public, ce n'est pas la planification autoritaire de l'État, c'est tout le contraire, c'est la planification démocratique des travailleurs, ce qu'il appelle une société en cours de planification continue. Alors, il y a quelqu'un qui est marxiste, mais qui en fait est très proche de ce modèle, hein, qui a essayé de penser ça dans le détail, qui est Karl Korsch, dans un texte de 1922 aussi, qui s'appelle « Un droit du travail pour les conseils d'entreprise », qui s'inspire de l'expérience des conseils ouvriers, en disant « Mais si on part de ça pour faire une nouvelle législation du travail, un nouveau droit du travail, à quoi ça va ressembler ?» Eh bien, pour lui, je vais juste insister sur un point. Il dit « Ce qui est important, c'est le statut politique du travailleur. » Bien sûr, il faut que les travailleurs décident de l'organisation du travail, de la qualité du travail, de ce que on va produire dans l'entreprise. Mais ça, ça ne suffit pas. Il faut aussi que les travailleurs, en tant que travailleurs, eh bien, participent à la planification politique de l'ensemble de la société. Et ça, ça doit être inscrit dans le droit. Et donc, il propose un droit du travail, hein, droit du travail qui correspond à l'institution des conseils ouvriers. Donc, je finis avec ce modèle et puis je conclue un peu longuement. Quelle est l'idée, hein, de ce deuxième modèle? C'est que tous les travailleurs doivent devenir à la fois dirigeants, managers, ouvriers, mais aussi responsables politiques. À partir de leur travail, plus de responsables politiques professionnels qui ne soient pas simplement de simples travailleurs. C'est une idée qu'il y a aussi dans les cahiers de prison de Gramsci. Hein, il nous dit, tous les travailleurs, il faut les former à devenir des dirigeants politiques pour éviter la privatisation de la politique par les capitalistes et leurs alliés. Donc, pour conclure, je vais dire deux choses. Essayer de construire une sorte d'image de ce que serait un travail démocratique en ce sens, un peu plus précis, et puis faire le lien avec la mobilisation en cours, et puis on discute. Alors, dans cet autre monde possible, où il y aura un travail démocratique, et au cœur de la démocratie, eh bien, encore 2-3 minutes, puis après... On... D'accord, ouais. Encore, j'en ai pour 3 minutes. Donc, dans cet autre monde possible, l'association démocratique du travailleur remplace les actionnaires et remplace l'État pour organiser le travail et résoudre les problèmes politiques. Au niveau de l'entreprise, donc c'est vraiment à ça que pensaient ces philosophes, hein, qui sont assez réputés, donc c'est pas du tout un projet comme ça, pas légitime, c'est quelque chose qui a été pensé dans toutes ses conséquences. Il n'y aura plus de propriétaires, plus d'investisseurs, plus d'employeurs, plus de managers. Toutes ces fonctions sont assurées par l'assemblée de l'ensemble des travailleurs dans ce qu'il appelle, dans ce qu'on peut appeler entreprise. Les travailleurs sont donc propriétaires des moyens de production. C'est eux qui fixent les objectifs de l'entreprise. C'est eux qui recrutent leurs collègues. C'est eux qui font des choix au sujet de la qualité des produits, au sujet des conditions de travail. Ce sont eux qui choisissent les modes d'organisation du travail qui leur conviennent. Ce qui est important, je pense, à dire, hein, c'est que cette activité démocratique au travail, elle prend du temps, et que donc, à l'intérieur de ce qu'on considère comme du travail, eh bien, cette activité démocratique doit être reconnue. Il faut faire entrer dans ce qu'on entend d'habitude par travail ce temps, qui prend peut-être plus de temps que de produire des objets ou produire des services, hein, de la délibération, la décision et la mise en œuvre de ces décisions. Mais enfin, à un autre niveau de ce qu'on peut appeler hein, des assemblées générales démocratiques, eh bien, chaque travailleur participe, peut-être avec un principe de rotation chaque année, par exemple, en tant que membre de son entreprise ou d'un secteur de production, à la planification économique sur tout son territoire. Et donc, le travailleur, ce n'est pas simplement quelqu'un qui décide dans son entreprise, c'est quelqu'un qui participe au niveau de la société, eh bien, aux décisions concernant l'avenir de cette société. Dernier point de conclusion, hein, cette analyse des rapports entre travail et démocratie, à mon avis, elle doit être un critère décisif, à la fois pour évaluer des contre-propositions de droit du travail, par exemple. Hein, vous savez que beaucoup de gens proposent une contre-loi du travail. Eh bien, c'est vraiment ça qui doit être au centre. Mais c'est aussi, et je finirai là-dessus, le critère, me semble-t-il, eh bien, pour discuter de ce dont on a beaucoup parlé ici, du rapport entre les propositions de revenus minimum d'existence ou de socialisation du salaire. Moi, je suis plutôt hein, du côté de la deuxième proposition qui prend au sérieux l'idée d'une démocratie économique et l'idée de la place du travail dans cette démocratie. Mais il y a deux questions dont les économistes ne parlent jamais. Enfin, la plupart du temps, on ne parle pas. En tout cas, c'est deux propositions. D'abord, celle du mode de décision. Comment organiserons-nous nos activités quand ce ne seront plus les propriétaires, les banques, les employeurs, les managers, les professionnels de la politique qui décideront à notre place? Ça, c'est ce que propose Korsch. Je vous propose eh bien, une organisation de l'entreprise pour pouvoir prendre toutes ces décisions à la place de ceux qui les ont privatisées. Et deuxième question, hein, qui concerne la finalité du travail. Est-ce qu'on acceptera toujours que notre travail ne serve qu'à produire des biens et des services? Ou bien est-ce qu'on parviendra à imposer une nouvelle conception du travail qui fait du travailleur le décideur de la finalité de son activité et fait du travail le moyen de la transformation des rapports sociaux qui mettent donc le travail au service de la démocratie? Cette perspective chez tous ces auteurs, et à mon avis aussi, elle peut être que progressive, mais c'est une lutte qu'il faut pouvoir mener hein, par plusieurs moyens, l'auto-organisation, la bataille pour l'hégémonie culturelle, la grève, l'occupation, les manifestations, l'intervention dans les entreprises, celle d'une réappropriation collective de notre travail pour le mettre au service d'un projet démocratique. Voilà, donc à partir de ces deux modèles, et puis de l'idée de travail-démocratie, qui n'est pas sans lien dans le modèle de la lutte des classes avec la question de la violence légitime, je propose qu'on discute. Donc merci beaucoup à Alexis pour cette intervention. Avant toute chose, je vais vous inviter à... Enfin, n'hésitez pas à vous rapprocher, à vous asseoir pour permettre une discussion plus agréable aussi. Donc bah, pour commencer, est-ce que quelqu'un a une réflexion, une question ? Alors, je me suis un petit peu intéressé aussi aux travaux de Marx, Korsch et Dewey, et je te remercie parce que j'en savais pas autant quoi, ce que tu viens de résumer en l'espace d'un quart d'heure. Mais démocratie et travail, pour moi, il y a un préalable avant tout, et qui devrait être constitutionnel, c'est que le travail devrait être un droit inaliénable et accessible à tout le monde. Si tout le monde doit pouvoir participer, la démocratie en fait, et tout le monde a le droit d'y participer, tout citoyen, et d'après le travail de Dewey, c'est uniquement les travailleurs. Donc il y a un préalable à ça, c'est déjà une modification constitutionnelle en profondeur. Tout le monde a le droit de travailler, ce qui est malheureusement pas le cas lorsqu'on le transpose aujourd'hui en 2016. Pardon, je parle pas assez fort. Et justement, je voulais te poser la question de savoir si ils avaient intégré cette idée de modification constitutionnelle pour un accès de travail à tout le monde, en fait, qui est un préalable avant de pouvoir participer démocratiquement. Voilà. Alors oui, ces trois auteurs pensent à ça, mais alors dans des contextes historiques un peu différents. Marx, pour lui, qu'est-ce que c'est le prolétaire ? C'est pas forcément celui qui effectivement travaille, c'est tous ceux qui sont obligés de travailler pour survivre. Donc il part de ça, il n'y a pas vraiment de chômage au sens où on le connaît maintenant. Hein. Il y a le prolétariat, le lumpen prolétariat, tout ça, mais pour lui, en fait, puisqu'il faut d'abord détruire les institutions, le problème n'est pas, comme chez les socialistes, le droit au travail. Pour lui, c'est quelque chose de réactionnaire, en fait, à son époque. Hein, le droit au travail, parce que c'est le droit de se faire aliéner. Mais par contre, à partir du moment où on pense que ce sont les prolétaires, c'est-à-dire non pas ceux qui travaillent, mais tous ceux qui ont besoin de travailler pour survivre, qui doivent gouverner, alors ça va dans ce sens. Ensuite, Dewey, lui, il est un peu moins radical, hein, comme vous l'aurez compris. Et lui, il pense aussi, dans certains textes des années 30, la question du droit au travail. Il dit aussi que ça devrait être constitutionnel, donc il y pense. Hein. Mais lui, il pense ça à partir du droit social. Il dit qu'il y aura deux choses différentes. D'un côté, ce que feront les travailleurs à partir de leur travail. Et d'un autre côté, un droit social qui est un droit au travail pour tous. Mais le plus intéressant, c'est Korsch. Parce que Korsch, il dit... C'est aussi dans ces années-là, en Russie, les marxistes discutent hein, de quelque chose qui serait l'obligation de l'État, puisqu'il y a un État toujours, hein, comme vous le savez, de fournir du travail. Et c'est même dans la Constitution, en fait, même si ça a été pas du tout suivi, dans la Constitution de l'URSS au début, il y a ça. Droit au travail, c'est-à-dire... Hein, évidemment, il y a eu quand même beaucoup de chômage, tous les problèmes qu'on connaît, mais Korsch, lui, dit, c'est très simple, s'il n'y a plus de professionnels de la politique, s'il n'y a plus même de définition du citoyen mais des droits du travailleur, alors il faut, ça va complètement dans l'autre sens, il faut constitutionnaliser le droit au travail, parce que le droit au travail c'est pas simplement le droit de survie. Qui sommes-nous pour accorder à des gens le droit de survivre? C'est une horreur. Korsch dit, le travail c'est ce à partir de quoi on a le droit de décider sur nos vies et il faut que ce soit dans le droit. Donc c'est vraiment celui qui propose ce que vous proposez là. Oui, bonjour, moi c'est Robin. Il y a deux grandes origines intellectuelles à notre histoire. C'est d'une part la Grèce antique, la démocratie, et d'autre part, c'est de là que tu pars, toi, le travail, mais un travail déjà industrialisé. À l'époque, des auteurs auxquels tu te réfères, on est déjà passé par le charbon, par Zola, etc. Et moi, Korsch, je l'ai découvert en lisant Une question de taille de Olivier Rey. Je ne sais pas si c'est par lui que tu l'as découvert. Il dit que toute société de grande taille est inévitablement pervertie par sa taille qui est impossible à gérer. Et les sociétés de petite taille étaient à taille humaine, comme l'expression l'indique. Et du coup, moi, dans mon itinéraire, je me suis intéressé aux écovillages qui correspondaient à cette petite taille. Et après, j'ai découvert un dénommé Rob Hopkins, qui est celui qui a instauré les territoires en transition. Et il y a deux éléments qui ont échappé à ta réflexion. C'est le réchauffement climatique, qui est basé aujourd'hui sur notre dépendance énorme aux ressources fossiles. Et à l'époque de tes auteurs, on ne s'en rendait pas compte. Et donc ça, c'est l'argument qui dit nous devrions nous passer d'énergie fossile. Et le deuxième argument, c'est le franchissement du pic de production du pétrole qui est en train de se passer, mais des autres énergies fossiles. Et là, l'argument, il dit, nous allons être obligés de devoir nous passer des énergies fossiles, parce que de toute façon, elles vont nous échapper. Mais si on attend qu'elles nous échappent, le réchauffement climatique sera tel que ce sera trop tard, ce sera une fournaise. Donc l'enjeu, c'est pas seulement une espèce de réorganisation du travail, c'est aussi comment quitter un travail dépendant de cette thermodynamique. Et les écovillages, ils répondent à ça, sauf que c'est sur des toutes petites structures avec des tout petits groupes d'individus. Et Rob Hopkins, il a réussi à conceptualiser la transposition de l'écovillage à des grandes villes avec leurs ceintures vivrières en disant, en recréant une abondance gratuite avec des forêts comestibles qui produisent en volume, en recréant des systèmes de production artisanaux Et là, on retrouve après tes problématiques de chantier participatif, convivial, etc. Si on recommence à produire de manière artisanale, avec notamment l'énergie du pédalier dans la convivialité, etc., là, on commence à créer les conditions d'une société vivable, humaine, qui quitte le cycle du réchauffement climatique. Et ça peut même concerner des grandes villes, comme Paris et sa ceinture, à condition de raisonner entre une ville et sa ceinture vivrière. Et si ça vous intéresse, ça, je vous invite à aller voir transitionfrance.fr, donc le site des territoires en transition. Il y a 70 territoires en transition en France, dont Paris. Paris en transition est assez actif. Il y a beaucoup d'efforts sur des plantations de forêts comestibles, de jardins urbains, etc. Et à mon avis, c'est la vraie bonne direction dans laquelle il faut aller, sachant qu'en arrière-plan, on a cette notion d'abondance gratuite qu'on a complètement perdue. On est obnubilé par l'argent, le revenu minimum, etc. Sauf qu'on oublie toujours que l'argent ne se mange pas. Alors que l'abondance gratuite, elle a fondé toutes les sociétés animales et toutes les sociétés humaines traditionnelles. Première, l'argent est très très récent dans notre histoire et on est complètement obnubilé par lui. Pour moi, l'enjeu principal, c'est comment on produit en abondance, sans recours aux moteurs thermiques, aux énergies fossiles, dans la convivialité. Et l'argent, ça doit être un souci temporaire, peut-être dans un premier temps, mais a priori, le problème, c'est surtout produire, comme je l'ai dit. Merci de cette question et de ces remarques qui me permettent de parler un peu de comment ces deux modèles peuvent penser cette transition écologique. Tout premier truc, je ne vais pas entrer dans est-ce que Marx était un écologiste, etc. Bon, mais il y avait quand même chez tous ces auteurs, sauf peut-être Korsch, une réflexion un petit peu là-dessus, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est, étant donné, je suis complètement d'accord, que c'est ça aujourd'hui qui, du point de vue du système productif et du point de vue de l'avenir de la société est un des points cruciaux, comment on fait? Et là, on retrouve cette opposition. Marx nous dit pourquoi, après tout, il y a justement ce système productif qui est anti-environnemental, qui détruit la planète, etc. Mais parce que ce sont les capitalistes qui ont besoin de cette énergie pour faire fonctionner justement toutes ces usines, etc. Si nous, on se réapproprie le travail, on va pouvoir imposer ce type de critères. Mais, c'est ça sa réponse, on le fera seulement quand l'État qui est au service de ces capitalistes sera affaibli. Impossible, du point de vue de Marx, de faire une transition écologique simplement à partir justement d'expériences alternatives. Dit oui, il est du côté des éco-villages, lui précisément. Commençons par décider sur les critères de la qualité du produit, on a un petit peu parlé de ce à quoi ça sert, de la finalité. En gros, sortons du système capitaliste petit à petit avec des entreprises qui feront autre chose et un modèle d'expansion du type de celui dont vous avez parlé. Ensuite, on va prendre la ville et ensuite, etc. Mais je voudrais dire que ce soit les enjeux écologiques, anti-impérialistes, anti-patriarcaux, ces deux modèles, il y a toujours la question du travail qui se pose et ils sont toujours quelque chose d'important. Soit on pense qu'on va pouvoir remplacer l'État petit à petit à partir de petites expériences, soit on pense qu'il va falloir d'abord détruire ces institutions-là. Détruire, c'est ce que Marx entend aussi. Il va falloir détruire, ce que certains marxistes en tout cas entendent, il va falloir détruire ces usines. Il va falloir les démanteler. Il ne faudra pas de faire des petites entreprises qui seront écologiquement responsables. Il va y avoir ce moment où toute cette infrastructure doit être détruite. Donc tout à fait d'accord, et puis à mon avis ces deux modèles sont intéressants si on le prend à partir de la question du travail pour savoir comment aller vers un système productif écologiquement viable. Quelqu'un veut... ouais. Bonjour, moi c'est Armand. Question par rapport à tout ce que vous dites, et j'aimerais juste revenir à plus de réalité et moins de modèles. Est-ce que vous pourriez incorporer le système des multinationales dans vos réflexions? De même que, déjà première question, et ensuite deuxièmement, depuis tout à l'heure, vous n'avez jamais parlé d'actionnariat, ou en tout cas, j'étais pas les 5 premières minutes, mais vous n'avez pas parlé d'actionnariat et de syndicalisme. Alors première, l'actionnariat, est-ce que ça fait partie des choses à détruire dont vous venez de faire référence? Ou non, et sinon, est-ce que c'est viable comme système? Donc, est-ce que l'actionnariat, donc des gens qui ne sont pas partis, qui ne sont pas travailleurs de l'entreprise, pourraient, via des capitaux, c'est le mot, participer à la politique de l'entreprise? Et dernière question, donc le syndicalisme, pourquoi vous n'en avez-vous pas parlé? Voilà, c'est juste ma question. Alors, c'est trois grandes questions. Mais la première sur les multinationales, hein, c'est assez simple la réponse. Ces deux auteurs, en fait, ces trois, quelle est la priorité de leur critique? Ce sont les multinationales, précisément. Hein, dit oui, il écrit un ensemble de textes assez peu connus contre la Big Business Society, la Corporate Society. Pour lui, c'est vraiment, c'est le diable, si vous voulez. Voilà, au niveau culturel, au niveau du développement de l'individu, au niveau de la consommation, au niveau de tout, les multinationales, qu'est-ce que c'est? C'est l'image même de la privatisation de la politique et de la décision par les capitalistes. Donc ça, effectivement, si on est là entre qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on garde pas, les multinationales, clairement, chez aucun de ces auteurs, on les garde. Pareil pour l'actionnariat. Alors, vous n'étiez pas là au début, hein, l'idée chez ces deux auteurs, c'est comment on va petit à petit se réapproprier le pouvoir des propriétaires, des actionnaires et des politiques professionnelles. C'est vraiment leur but. Donc, eux, ils n'existeront plus, ou plutôt, tous les travailleurs seront à la fois propriétaires d'usage, plutôt que propriétaires lucratifs, c'est-à-dire pas avec des capitaux, mais avec un droit à la propriété d'usage sur leur entreprise, etc. Mais la réponse simple, plus d'actionnaires non plus chez tous ces auteurs. La troisième question, le syndicalisme, elle est plus compliquée dans, encore une fois, leur projet. Hein. Bon, Marx, très clairement, l'Association internationale des travailleurs en 64 dont je vous parle, c'était l'ébauche d'un syndicat international. Donc c'était vraiment ça. Lui, il est du côté, Marx, contrairement à ce qu'on pense, du syndicat contre le parti. Hein. Quand on pense la démocratie à partir du travail, eh bien, on le pense en tant qu'à partir de l'action des syndicats. Mais en même temps, ce qui montre Marx, c'est que un syndicalisme qui n'aurait pas la visée d'une réappropriation complète et totale du pouvoir par les travailleurs, eh bien en fait, comme les coopératives, ce serait un syndicalisme qui s'enfermerait dans quelque chose de très limité et qui finirait par s'autodétruire en fait. Pareil chez Dewey. Dewey est aussi un syndicaliste, aussi un responsable politique. Il est dans la société. Bon, je ne vais pas vous raconter l'histoire. Et lui nous dit, oui pour le syndicat, mais le syndicat comme projet de société, à tel point qu'en fait, qu'est-ce que ce serait le syndicat à la limite? C'est simplement tous les travailleurs réunis pour décider concernant la politique. Et donc, ils ont un point de vue ambigu. À la fois, ils sont du côté, dans l'action concrète des syndicalistes de leur temps, mais dans leur visée, on peut dire, hein, ou dans leur visée politique pour la suite, les syndicats, en tant qu'espace, en tant qu'instance séparée de tous les travailleurs, n'existe plus en fait. Donc c'est une sorte d'extension du travail des syndicats. Extension, dépassement. Comme pour le droit du travail.